C'est bientôt l'anniversaire de Rockefeller. Emballe son cadeau au lieu de te toucher la queue. Je tape mes couilles comme un tambour. Ouais, t'as bien compris, je m'en bats les couilles. Oh oui. Je tape mes couilles comme un tambour. Ouais, t'as bien compris. Je m'en bats les couilles. La faim dans le monde, la famine en Afrique. Ils ont qu'à manger, je m'en bats les couilles. La guerre économique, les intrigues politiques, le monde n'a qu'à couler. Je m'en bats les couilles. Je tape mes couilles comme un tambour. Ouais, t'as bien compris. Je m'en bats les couilles. Oh oui. Je tape mes couilles comme un tambour. Ouais, t'as bien compris. Je m'en bats les couilles. Toutes les putes et les salopes narcissiques, elles ont qu'à me sucer. Je m'en bats les couilles. Tous les fils de putes qui aiment pas ma musique, ils ont qu'à se faire enculer. Je m'en bats les couilles. Je tape mes couilles comme un tambour. Regarde comme je m'emballe les couilles. Je tape mes couilles comme un tambour. Regarde comme je m'emballe les couilles. Je tape mes couilles comme un tambour. Regarde comme je m'emballe les couilles. Je tape mes couilles comme un tambour. Regarde comme je m'emballe les couilles. Je m'en bats les couilles tellement fort que les moines guerriers du temple Shaolin entendent clac clac clac et ils se disent ah, ils s'en bat les couilles. Ah ouah, putain, tu fais quoi avec le papier cadeau fils de pute? Ben, je m'en bats les couilles. Putain, c'est pas vrai, t'es vraiment un autiste enculé de ta mère. J'aurais mieux fait de te jeter dans la rivière quand tu étais gosse, au moins je n'aurais pas eu à supporter ta gueule de con.